Reynald Duberger revient en force d'un voyage en Europe. Ma foi, il a l'air ragaillardi. Ben oui, il a fait 35 degrés où j'étais, pendant qu'il pleuvait puis il faisait froid ici. C'est pas ça le réchauffement, Reynald. Ben, va donc comprendre ça, toi. Ben non. C'est des anomalies. Comment t'appelles ça dans c'est ton ça. Langage scientifique? C'est que le climat, je te l'ai déjà dit, Dominique, c'est une notion régionale. Ce qui nous empêche pas de calculer à chaque année des moyennes pour le globe. Et c'est ce qu'a fait le Meteorological Office. Justement, j'y arrive. Je suis tombé là-dessus en fin de semaine dans le Daily Mail de Londres, vénérable quotidien, où on nous dit que le réchauffement de la planète a cessé il y a 16 ans. Là, je pensais à Reynald tout de suite. Je disais, ah, il nous l'avait dit. Mais là, en même temps, je pensais... Mais t'es sûr que t'as pas pris ça sur un site obscur, là, de... Ben, j'ai vérifié. Non, d'après moi, c'est pas mal le Daily Mail. Le milliardaire qui exploite les enfants, non, c'est ça. Mais là, j'ai pensé également à nos petits, bons petits gauchistes québécois réchauffistes qui prédisent même, la fin de l'hiver à Montréal, hein, tu te souviens? Oui, il n'y aura plus de patinoire. Un gars de la Fondation Suzuki qui était venu dire, un fiefé gauchiste qui était venu nous dire... sur les zones ici à Radio X, qu'il n'y aurait plus aucune patinoire extérieure à Montréal. Imaginez. Donc, le Met Office conclut que, depuis 93, il n'y a plus de réchauffement et que ce plateau-là, c'était entre 80 et 96. Expliquez-nous, professeur, de quoi il s'agit. Bon, moi, ça fait plus que 2 ans que je dis ça. Tu as raison, ah oui, ça me donne raison. Oui. Il faut regarder, le Met Office, c'est un organisme britannique qui soutire ces informations de 4 organismes, comme le GIEC d'ailleurs. Le GIEC, c'est le groupe international d'études du climat de l'ONU, qui est le seul autorisé à faire des recommandations en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et il y a 4 pourvoyeurs de données officielles à ce GIEC-là. Est-ce que le Met Office de Londres est là-dedans? Non, le Met Office, il collige les données. Met Office, c'est un bureau de météorologie. C'est comme Environnement Canada. C'est ça. Il y a 4 pourvoyeurs de données. Il y a le NOAA, National Oceanographic and Atmospheric Administration, Colorado. Il y a la NASA. Il y a l'Université d'Alabama, puis il y a le CRU, le Climate Research Unit de l'Université d'East Anglia en Angleterre. Rappelle-toi. Phil Jones, qui est à la source de ces fameux courriels qui ont donné lieu au Climategate. Donc, ces 4 organismes-là publient des données climatiques officielles qui sont données au GIEC et les 4 sont d'accord pour dire que depuis 1997 ou 98, la température globale à la surface de la Terre n'augmente pas, sinon elle diminue légèrement. Ce qui rend les modèles climatiques du GIEC drôlement en péril, parce que ces modèles-là prédisaient une augmentation de température. Oui. N'augmente pas. Mais j'ai vu ça, moi, jusqu'à récemment, là, qu'on nous disait que d'ici 2030, les glaciers allaient fondre, dans des documentaires qui semblaient très sérieux. Ah, puis ça fond actuellement. Jean-Claude, il faut voir, comme je te disais tantôt, l'hémisphère nord puis l'hémisphère sud, c'est 2 comportements complètement différents. Ben oui. Présentement, oui, en Arctique, ça tend à fondre. Les glaciers alpins tendent à reculer. Mais dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. On comprend pas encore pourquoi. Mais pourquoi on nous rapporte pas ça? On vous le dit pas parce que les médias comme Radio-Canada, TVA et tout ça ne colportent qu'un côté de la médaille, ce qu'on appelle le consensus. Je te dirais que moi, j'ai déposé une plainte récemment à l'Ombudsman de Radio-Canada. Pas de chance. Oui, mais je l'ai déjà refusé, tu le sais. Oui, j'ai... Ta lettre est déjà écrite avant même que tu l'envoies. Mais t'es pas dans la bonne gang. Oui, c'est sûr. Mais il fallait que je fasse cette démarche-là. Parce que je leur reproche de présenter qu'un seul côté de la médaille. Comme dans les écoles, on ne présente qu'un seul côté de la médaille au L'Évangile. Québec. L'Évangile. Exactement. Puis quand j'étais en Europe la semaine passée, j'ai discuté avec des Français. C'est le même problème là-bas. Dans les écoles, il y a une seule vérité. C'est la vérité qui est plutôt à gauche, qui dit elle est alarmiste. Réchauffiste et alarmiste. Pour en finir, je veux revenir à l'Antarctique tantôt parce que ouais. Jean-Claude avait quelque chose de bon à te soumettre, qui rejoint totalement ce que tu nous décris. Concernant le réchauffement, on nous dit ici dans l'article que la Terre s'est réchauffée, mais de même pas un degré depuis 1880. En 3/4 d'un degré. 0,75 degrés Celsius depuis 1880. Est-ce que ça, c'est assez dramatique? Moi, ça me semble mineur, mais je ne suis pas un scientifique. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est cyclique? C'est pas beaucoup, c'est peu, et c'est normal, et c'est naturel. Va te dire quelque chose, Dominique. À date, il y en a. Entre 1930. Au Mont-Royal, là, on va dire, en fait, ils viennent d'avaler le latte à 7 piastres. Il y a une chose qu'il faut que les gens sachent, puis ça n'a pas été médiatisé du tout. Entre 1930 et 1940, les Norvégiens et les Danois se débattaient pour la possession du Groenland. Les Danois ont procédé à des photos aériennes de 132 glaciers du Groenland sur la côte ouest. Ces photos aériennes-là sont demeurées secret militaire jusqu'à il y a quelques mois. Ils viennent de sortir et d'être déposés dans un musée d'histoire naturelle à Copenhague. Un étudiant au doctorat s'en est approprié, a fait son thèse doctorale là-dessus avec des climatologues. Et ils viennent de démontrer que ce qui s'est passé entre 1930 et 1940 sur ces 132 glaciers-là est presque exactement ce qui s'est passé en 2000 et 2010. Et entre les deux, il y a exactement 60 ans. Et ce qui corrobore un cycle naturel qu'on avait mis en évidence, qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique multidécennale. Donc, ce qui se passe dans l'Arctique présentement est naturel et n'a rien à voir avec l'émission des gaz à effet de serre par l'homme. Là, ça, c'est une découverte importante. Je viens d'avoir sur mon radar, là. Il y a 3 ACV et 4 crises cardiaques sur le plateau. Il y en a qui viennent de tomber en bas de la chaise. Ah oui, puis il y en a 3 qui viennent de sauter en bas de la tour de Radio-Canada. Surtout ceux qui écoutent Découverte puis les années-lumière. Oui. Ça c'est très normal. Une grosse commotion actuellement sur le boulevard René Lévesque. Mais est-ce qu'on s'entend, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la norme au niveau scientifique, est-ce qu'on peut s'entendre pour se dire que l'homme participe aux gaz à effet de serre? Oui, l'homme émet des gaz à effet de serre, mais ces gaz à effet de serre-là ont un effet insignifiant sur la température. Là, les réchauffistes vont dire, prouvez-le, professeur Renal. Ben, c'est démontré. Les modèles climatiques du GIEC, à l'heure actuelle, ils échouent 2 tests importants. Le test de la calibration et le test de la validation. Qu'est-ce que c'est la calibration? Il s'agit de regarder le modèle puis de le comparer sur des données antérieures historiques. Or, nous n'avons ni en quantité ni en qualité suffisamment de données historiques pour calibrer ces modèles-là. Juste pour te dire, Dominique, la Terre, c'est 70% d'océan. De quoi dispose-t-on comme mesure thermométrique sur ces océans-là au 19e puis une partie du 20e siècle? Que les routes de bateau. Puis les routes de bateau, t'as toujours les mêmes. De temps en temps, le capitaine mène un seau d'eau dans l'eau, plonge un thermomètre dedans, consigne la température dans son livre de bord. C'est plus ou moins fiable. À plus ou moins 1 degré. Ça suffit, il y a de la brume. Donc, ça a l'air on n'a pas assez de données pour calibrer. C'est pas scientifique. Pour calibrer. Ouais. Ces modèles échouent aussi la validation. Autrement dit, tous les modèles climatiques du GIEC prédisaient pour entre 1997 et 2012 une augmentation de la température. Or, il n'y en a pas d'augmentation. C'est un plateau. Est-ce que c'est un plateau? C'est un plateau, puis même dans certains cas, ça baisse. Et ça, c'est drôlement gênant pour le GIEC parce que le CO2 atmosphérique, lui, de 97 à 2012, il a augmenté. On le mesure. Ben oui. Donc, il y a de la pollution. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Il y a plus de pollution? Le CO2, Dominique, c'est pas de la pollution, c'est de l'engrais. Mais le CO qui sort de nos voitures, oui, c'est de la pollution. L'ozone aussi, mais pas le CO2. Mais il y a plus d'émanations. Il y a plus d'émanations qu'il y en avait il y a 20 ans ou 30 ans. Mais il n'y a pas de réchauffement depuis 10 ans. Il y a pas de réchauffement dû à ces émanations-là. S'il y a un réchauffement, il est naturel. Mais dans l'Antarctique, comme Jean-Claude disait tantôt, ce qui est fascinant, c'est que la calotte glaciaire de l'Antarctique croît à l'heure actuelle. Elle augmente. Et moi, j'étais l'année passée en Nouvelle-Zélande. J'ai marché sur un glacier qui est extraordinaire. J'étais en short puis en t-shirt. Il finit sa course dans une forêt tropicale. J'avais jamais vu ça. Hein? Un glacier qui finit sa course dans une forêt tropicale. Puis ce glacier-là, le glacier Fox, il avance de 1 mètre à 1,5 mètre, pas par année, par jour. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec la croissance du continent antarctique. Mais c'est causé par quoi, la croissance de ce... On ne sait pas. Nécessairement la température de l'eau, Autrement dit, quand ça fond dans l'hémisphère nord, ça gèle dans l'hémisphère sud. Il y a un transfert d'eau. Il y a l'hydro. C'est ça. Et si l'homme était responsable d'un réchauffement global, il n'y aurait pas de comportement comme ça, à mon avis. C'est donc bien intéressant. Ben oui. Qu'est-ce que ça dit, toi? Ben non, mais moi, je suis resté bête hier quand je suis tombé sur cet article qui, encore une fois, qui est encore une... Je sais pas si t'es à mesure de mettre ça sur ton Facebook, Jean-Claude. Je vais le mettre. Ouais. Qui, encore une fois, ne provient pas d'un blog anarcho-gauchiste ou d'une espèce d'organisme un peu obscur qui lutte férocement contre la pollution, etc. Ça vient du National Geographic Daily News, qui est quand même, publication assez reconnue dans le monde scientifique et qui nous apprend que depuis le mois de septembre, donc tout récemment, on vient tout juste de dépasser le record pour le kilométrage carré de glace en Antarctique. Donc 19,44 millions de kilomètres carrés, c'est un nouveau record. Il n'y a jamais eu autant de glace en Antarctique et on voit une photo avec l'espèce de ligne de la moyenne des glaces et on voit que ça dépasse un peu partout, là. Donc, comment expliquer ça et surtout comment conjuguer ça avec le réchauffement? Moi, je suis resté un peu... Jean-Claude, j'ai pas d'explication pour ça. Le climat, c'est une notion qui est complexe. Le problème avec le GIEC puis l'ONU puis leur modèle, c'est qu'ils maîtrisent pas des paramètres qui sont fondamentaux comme le soleil, par exemple. Oui. À mon avis, le moteur du climat, ça reste le soleil. C'est pas nos 4x4. Et puis nos industries. Il y a un petit peu plus de puissance et d'énergie dans le soleil. 80% des volcans sont en dessous de la mer. Nous n'en avons ni l'inventaire, ni le bilan. Et ce sont de formidables réservoirs et émetteurs de CO2. Puis il y a un brassage dans le fond de ces océans-là qui fait que le CO2 finit par se dégager puis rentrer dans l'atmosphère. Mm-hmm. Quand je vois dans les écoles, je fais l'expérience de la bouteille de Perrier. Les géologues sont allés en Antarctique faire des carottes de glace à la station Vostok. Ils ont trouvé, en regardant les courbes de température et CO2 en détail, que le CO2 est en retard par rapport à la température. Autrement dit, la température augmente, le CO2 atmosphérique augmente 5 à 800 ans après l'augmentation de température. Et quand tu regardes ce qui se passe dans une bouteille de Perrier, plus la température est froide, basse, plus la pression est élevée, plus tu peux mettre de CO2 en solution. Quand tu regardes une bouteille de Perrier, tu vois pas de bulles. Tu rouvres la bouteille, tu vois les bulles qui sortent. Pourquoi? Parce que tu as baissé la pression. Et si tu chauffes la bouteille de Perrier, comme tu chauffes les océans, là, le CO2 va augmenter de façon considérable. Et c'est ce qui se passe présentement. Si la température augmente, le CO2 va augmenter. Wow! Là, il y a William là, qui est en train de... Non, il pose la question. Êtes-vous sérieux? Et la fonte des glaciers, pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? Donc, je lui ai répondu. Oui, j'ai répondu. Je peux lui expliquer la fonte des glaciers. Vas-y. Vers 1850, le petit âge glaciaire s'est terminé. On a eu un réchauffement climatique médiéval. Vers l'an 1000, où les Vikings étaient heureux parce qu'ils cultivaient des forêts puis des jardins au Groenland. Ensuite, a suivi, au 16, 17, 18e siècle, un petit âge glaciaire, du froid. Puis après ce petit âge glaciaire-là, il est tout à fait normal que la planète retourne vers des températures plus normales. Donc, naturellement, vers un réchauffement léger et naturel. Là, les gens vont dire, bien évidemment, c'est... La réaction des gens, ça va être... C'est une réaction de gens ordinaires, comme nous autres. On n'est pas scientifiques comme toi, Renan. Ouais. Ouais, mais l'été, c'est un été record, il a fait chaud. Oui, ça, on entend ça très souvent. Mais à Québec, mais pas en France. Explique. J'aime ça t'entendre. Comme je te disais tantôt, le climat, c'est une notion régionale. Tout à fait. Puis quand tu regardes les images satellites de la NOAA, que j'ai cité tantôt, là, puis regarde, pour la même période, l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est complètement l'inverse. Tandis qu'on avait des canicules aux États-Unis, on avait du froid en Europe. Et vice-versa. Et le chaud qu'on a eu cet été, c'est une question de Niño, de courant marin. El Niño, on ne sait même pas quelle en est la cause. Est-ce que c'est un bouleversement géologique dans le fond des océans? Tremblement de terre, éruption volcanique, qui déclenche un événement El Niño, on ne sait même pas. On sait que ça existe, des événements El Niño et aussi La Niña, et que c'est un facteur important. On ne connaît pas la source. On ne connaît toujours pas la source. On connaît l'effet, mais pas la source. Bref, on peut s'en tenir à quoi? Donc, si je comprends bien, dans les 500 prochaines années, il pourrait aussi bien avoir un réchauffement qu'un refroidissement de la planète. À l'heure actuelle, je dirais comme... Radio-Canada, si la tendance se maintient. J'ai pas des bonnes nouvelles pour vous autres, les petits gars. Pour les 20-30 prochaines années, on se dirige plutôt vers un refroidissement qu'un réchauffement. Ce qui veut pas dire que la tendance générale sur un siècle ne sera pas un léger réchauffement. Ouais, à l'intérieur de ce léger réchauffement, il y a des cycles de refroidissement. Et c'est ce qu'on subit à l'heure actuelle. Et c'est tout à fait naturel. Mais sur un 500 ans, c'est impossible comme on nous prévoit là, la disparition de New York. Puis, non. On peut pas. Ouais, c'est affaire de scénario catastrophe à la Radio-Canada, là, avec des montées de l'océan, avec des réfugiés du climat. Tu as déjà entendu ça, à Radio-Canada? Les réfugiés du climat. Ben oui. Puis là, ils vont faire payer les pays riches comme nous autres pour ces petits réfugiés-là qui vivent sur des atolls. C'est complètement invraisemblable. Érosion des berges, mythe ou réalité? ces mythes. D'ailleurs, quand on regarde des berges, par exemple, dans le coin de Baie-Saint-Paul, il y a des berges. Oui, mais il y a des vagues comme ça, puis il y a des tempêtes saisonnières. D'abord, une autre affaire. Événements météorologiques extrêmes, c'est pas vrai qu'ils vont devenir plus abondants et plus sévères. Il y a rien qui prouve ça à l'heure actuelle. Mais on entend ça à Radio-Canada. Ça gèle au sud, ça fond au nord. C'est ça. C'est naturel. Les glaciers des Alpes, à l'heure actuelle, ils se retirent. Les glaciers des Alpes se retirent, fondent autrement. Ils fondent, puis c'est pas catastrophique. Ils ont déjà fondu, ils ont déjà gelé, ils vont regeler. Ils peuvent regeler, oui, c'est ça. Les ours polaires, sont pas en disparition, sont pas menacés. Au contraire, ils sont en surpopulation. Mais la planète pleure, par exemple. Ah oui, dans les écoles, ça pleure. Ils font pleurer les élèves aussi. On fait pleurer les enfants. Oui, beaucoup. Tu savais que je t'ai fait jouer, hein? Ah, c'est ma tune préférée. Ouais, on leur a dit aux enfants, la planète va mourir. Il y en a qui prennent ça au sérieux quand je vais dans les écoles. C'est incroyable. Ils sont endoctrinés. Hey, merci beaucoup, Rénal, d'être passé. Y a-tu quelque chose qui s'en vient qu'on devrait surveiller au niveau du climat pour le reste? Quand il y aura une autre percée comme celle-là, je te préviendrai. Puis... J'adore ça. Juste dire, on a eu une réponse de William. Vas-y, là. William qui disait, mais la fonte des glaciers, expliquez-moi. Donc, suite à l'explication de M. Dubergé, il nous dit, intéressant. Il dit, je ne suis pas convaincu, mais ça vaut la peine d'investiguer. Et c'est vrai que mon double allongé passe bizarre un matin. Ouais. Puis s'il y a des enseignants, des élèves qui veulent m'entendre dans leur école ou leur cégep, je suis disponible. C'est gratos, rentrez sur mon blog. C'est gratos, je charge absolument rien. Faut dire que t'es quand même Rénal Dubergé, REY, un retraité d'université. Rentrez blog, vous allez voir, puis mes coordonnées sont là-dessus. OK, t'es retraité d'Université du Québec à Chicoutimi. C'est ça. Est-ce que les gens peuvent avoir accès à ton site internet via cette université là ou c'est non, c'est mon blog personnel. Okay. Rénal Dubergé, R-E-Y Dubergé, R-E-Y. Et puis blog, tu rentres ça, puis tu vas trouver mon blog, puis tu vas voir mes états d'âme en matière climatique. Rénal, R-E-Y, très intéressant pour les profs qui acceptent. Les profs à l'esprit ouvert. Ouais, est-ce que ça passe? Parce que ça contredit. Moi, j'ai l'impression que là, tu rentres dans une espèce de... JC, ça contredit ce qui était marqué dans leur manuel scolaire. Ouais, ça les gêne beaucoup. Donc, les profs qui accepteraient de se faire biner dans la salle des profs. Ça prend du courage pour ça. Ça prend un certain courage. Ouais. Mais il y en a. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Rénal, d'être passé. Au plaisir. Rénal Dubergé.